Chapitre 16e. Ce ne fut pas sans peine que Felton réussit à découvrir la demeure de Clément, et lorsqu'il l'eut enfin trouvée, il lui fallut quelque habileté diplomatique pour obtenir d'y être admis. Jean, ce digne et fidèle conseiller du baron, s'était placé en travers de la porte entrouverte, et secouant gravement la tête à toutes les raisons qu'on lui débitait, il semblait disposé à n'écouter que son opiniâtreté naturelle. Mais ayant eu le malheur de répondre étourdiment à une question insidieuse, et de donner à entendre que son maître était au logis, chose qu'il avait toujours niée, il fit une grimace moitié de bonne humeur, moitié de confusion, et consentit à introduire Feldern. Feldern, homme rangé et soigneux, recula d'étonnement et presque d'effroi en voyant l'intérieur de la chambre occupée par Clément. Cette chambre était spacieuse, on y remarquait même quelques restes d'une ancienne élégance, mais des hardes gisaient çà et là sur le parquet, des assiettes et des plats couvraient les chaises, une table était chargée des débris d'un déjeuner, de verres, de bouteilles et de cartes. Sur le lit, on voyait des fleurets, des marques, des pistolets. Deux lits de camp étaient dressés dans deux angles de la chambre. Tout en un mot annonçait qu'elle venait de servir de théâtre à une orgie. Les chaises et les meubles n'étaient pas à leur place. Au milieu de ce pêle-mêle étrange, Clément, en robe de chambre, les cheveux et la barbe en désordre, les traits pâles, les lèvres tremblantes, les yeux troublés par l'insomnie, se tenait assis, ou plutôt étendu dans un grand fauteuil. Son attitude indiquait la fatigue du corps et les angoisses de l'esprit. « Comment donc, mon cher baron ? » s'écria Feldern en entrant et en affectant un ton de plaisanterie. « Votre chambre offre l'aspect d'un camp. On y trouve l'appareil des combats et celui de la bonne chère. » « Oui, sans doute, » répondit Clément avec indifférence et sans détourner la tête. « Voilà deux jours et deux nuits que nous passons à jouer et à boire. Aussi, vous voyez, tâchez de trouver une chaise qui soit libre. » « Deux jours et deux nuits, » répéta Feldern, qui avait réussi à s'accommoder sur une chaise à côté de la table. « Oui, par le ciel, nous étions sept, et nous dormions à tour de rôle sur ces deux lits. Nous dormions, c'est-à-dire, il dormait car pour moi, tout allait le mieux du monde. Mais le matin du troisième jour, les stupides drôles m'ont quitté. Ils avaient besoin de sommeil. Ils étaient au bout de leurs forces. Et je suis resté seul, qu'ils aillent au diable. « Oh oh !» dit Feldern, sans trop savoir ce qu'il disait, et pour se donner contenance, car il était un peu effrayé de se trouver dans un pareil lieu. « Vous avez mené joyeuse vie, monsieur le baron ?»« Joyeuse, oui, très joyeuse. Nous nous sommes considérablement amusés. Nous avons fait un bruit d'enfer, ri et chanté toutes nos chansons. Il y avait du vin et des cartes. À l'exception des dames, c'était une partie complète. Mais on peut s'en passer après tout, n'est-il pas vrai ?»« Certainement, certainement, » répliqua Feldern, qui éprouvait un malaise visible et à qui son interlocuteur faisait l'effet d'être à moitié ivre. « Ne voudriez-vous pas, » ajouta-t-il, « venir vous promener un peu avec moi ? L'atmosphère de cette chambre est étouffante, et vous avez l'air fatigué et souffrant. »« Je le suis, en effet, » répondit Clément, qui se leva, et alla s'asseoir en face de Feldern, de l'autre côté de la table. Il rassembla les cartes qui y étaient éparses et se mit à les mêler et à les battre machinalement. « Je l'avais pensé, » reprit Feldern. « Oui, j'avais jugé que vous deviez être malade puisque vous ne veniez plus chez la comtesse. »« C'est parce que je ne vais plus chez la comtesse que je suis malade, » repartit Clément d'un air sombre. « C'est-à-dire, » ajouta-t-il avec un sourire étrange, « je devrais être malade, mais je me suis fait une raison. Et au lieu de me laisser mourir de chagrin, je ris, je bois, et je m'amuse considérablement. Voulez-vous boire un verre de vin du Rhin ? Je vous remercie. Cette joyeuse vie dont vous parlez peut être bonne pour quelques jours, mon cher baron, mais on se lasse bien vite d'un tel régime. Comme de toute chose, et notamment de l'existence. Vous préféreriez sans doute du vin de champagne ? Nullement. Vous êtes dans la première jeunesse, baron Baldorf. J'aurai demain 22 ans accomplis. C'est ce qu'on appelle être jeune. Mais ces derniers mois m'ont vieilli de plusieurs années. Je suis plus vieux que mon âge. Il doit rester quelques bouteilles que ces messieurs n'ont pas eu le courage de vider. Il faut absolument que... Non, je ne boirai d'aucun vin. » interrompit Feldern, qui vit Clément chercher autour de lui. « Je préférerais une petite promenade. Cela vous rafraîchirait le sang. »« Bah, je serai obligé de m'habiller. » « Assurément, des pieds à la tête. Votre toilette est d'un négligé. » Ce n'est pas la peine. Et quant à me rafraîchir le sang, voici un moyen qui me convient mieux. » En parlant ainsi, il se leva de nouveau, prit dans un coin de la chambre trois bouteilles du vin de Rhin et les posa sur la table avec deux verres qu'il remplit jusqu'au bord. « M'habiller ? Faire de la toilette ? Par le ciel, baron, il n'y a rien au monde qui mérite que je me gêne. On vit pour soi, et c'est bien assez. Après tout, je suis content qu'il nous ait laissé quelques bouteilles. À votre santé !» Et il vida son verre d'un seul trait. Felda ne toucha point au sien. « Sans doute, on vit pour soi, » remarqua-t-il, « mais on vit aussi pour l'accomplissement de ses devoirs. Est-ce qu'il y a des devoirs ? Goûtez donc mon vin, baron. C'est, dit-on, du Johannisberg. » Feldorn, que ces tréparties de Clément avaient étourdi, consentit à tremper ses lèvres dans son vin. Clément avait baissé la tête sur sa poitrine et semblait réfléchir profondément. Tout à coup, il lève les yeux et regardant fixement le baron. « Êtes-vous venu ici de votre propre mouvement ? » lui demanda-t-il. « Mais, » balbutia Feldorn, qui n'était point préparé à cette question, « je ne comprends pas, je vous demande si personne ne vous a envoyé auprès de moi. » « Il se peut que... je ne voudrais pas vous tromper par un mensonge, oui. Il est possible que quelqu'un... Faustine !» s'écria Waldorf, dont toute la physionomie changea en un moment. « C'est Faustine qui vous a chargé de me voir. Juste ciel, elle pense encore à moi qui ne cesse pas un seul instant d'être possédé de son souvenir. Et cela doit être. La nature des choses le veut ainsi. Pensez fortement à quelqu'un. » C'est le contraindre de penser à vous. Il existe un fluide magnétique entre les âmes. Oh, je ne veux point que Faustine puisse m'oublier. Ma pensée forcera sa pensée. À votre santé, Feldorn, et cette fois, faites-moi raison. Feldorn obéit et vida son verre pour se donner le temps de réfléchir à ce qu'il devait dire. Il savait combien Clément était disposé à l'excès de présomption, et désirant modérer ses transports, il lui dit d'un ton où il entrait quelque amertume. « Je ne crois guère à ce fluide magnétique entre les âmes. Aimer n'est pas toujours une raison pour être aimé. Le contraire se voit souvent. Cela dépend des personnes. Tenez, baron Waldorf, les femmes sont tellement subtiles qu'elles échappent à tous nos efforts pour les analyser. Et tellement capricieuses que parfois elles se laissent prendre et se jettent d'elles-mêmes entre nos bras. Oh, les femmes, les femmes !» Et Feldorn secoua tristement la tête. Un homme qui, dans une question générale, met sa cause personnelle. Clément se hâta de remplir les deux verres. « Oui, oui, vous en savez aussi quelque chose. Vous avez expérimenté le varium et mutabile. Comme moi, vous avez aimé et souffert, et l'on ne vous a tenu compte ni de votre amour, ni de vos souffrances. À votre santé, et buvons ce vin en signe de confraternité, et attendu la ressemblance de notre histoire. » Feldorn obéit à cette cordiale invitation. Les verres furent vidés dans un silence expressif, et Clément, ayant posé le sien sur la table, continua. « Les femmes, disiez-vous, mon cher baron. Ah, les maux que ce sexe a répandus sur la surface de la terre sont innombrables. Il a détruit la beauté et l'harmonie de l'œuvre glorieuse du Créateur. L'homme qui place son bonheur de l'amour d'une femme est perdu. Les plus aimables, les plus attrayantes sont les plus à craindre. Celles qui nous rappellent le plus les anges sont les pires démons. Et quand, près d'elles, vous rêvez la félicité des cieux, vous ne trouvez que les tourments de l'enfer. Savez-vous ce que je pense des femmes ? Non, je vois dans vos yeux que vous ne le savez pas. C'est qu'elles n'ont pas de cœur, pas de sang dans les veines. En un mot, qu'elles sont incapables d'aimer. Il y en a une, surtout, aussi distinguée parmi les autres qu'une belle poésie orientale parmi les romans vulgaires et prosaïques de notre époque. Est-ce qu'en la voyant sourire ou pleurer, vous ne songez pas à ces contes de fées, où l'on nous parle de princesses dont les lèvres laissent échapper des perles et des roses ? Eh bien, cette femme a des yeux. Toutes les femmes ont des yeux. » Interrompit Feldorn, qui s'animait par degrés et éprouvait le besoin de déclamer à son tour. « Mais, ajouta-t-il d'un air sentencieux, voici mon opinion. Toute femme qui n'a pas d'yeux pour nous, nous devons la considérer comme si elle en était entièrement dépourvue. « Bien dit !» s'écria Clément en débouchant une seconde bouteille. « Il y a de la philosophie dans cette idée et une profonde logique. Combien je regrette d'avoir négligé cette étude à l'université d'Iéna. Vous n'avez point été à l'université d'Iéna, c'est dommage. Mais à votre santé. Oh, comme je vous le disais, j'ai négligé la philosophie. La sagesse, la raison des choses, réduite à l'état de science positive, me paraissait une absurdité. J'avais tort. Grand tort, répliqua Feldorn avec gravité. Voyez-vous, baron Waldorf, des règles sont nécessaires pour contenir notre esprit dans ses écarts. C'est justement parce qu'il est libre qu'il a besoin d'être dirigé. Et remarquez que les choses restent ce qu'elles sont en elles-mêmes, mais les idées que nous y attachons peuvent varier à l'infini. Sans doute, repartit Clément. Je saisis parfaitement votre métaphore. Voilà un arbre, par exemple. Que 20 personnes le regardent, ce sera toujours le même arbre, n'est-il pas vrai? Absolument le même. Et pourtant, il suggérera à chacune de ces 20 personnes des réflexions différentes. Elles penseront, qui a l'arbre du paradis auquel notre mère Ève cueillit la pomme fatale? Qui a cet arbre de Java qui empoisonne l'atmosphère de toute une contrée? Qui a ce tilleul de la cour du château de Nuremberg que l'impératrice Cunégonde planta les racines en l'air afin de prouver à son époux son innocence? Cet époux était l'empereur Frédéric II, surnommé le Saint. D'où il suit que les saints mêmes ont à cœur l'innocence de leur femme. Tel homme songera au chêne de Pleischwitz, dans le voisinage de Breslau, ce chêne, dans le tronc duquel un tailleur et un cordonnier taillèrent l'un une paire de culottes, l'autre une paire de souliers. Et j'ose dire qu'ils avaient choisi là une étrange échoppe. Enfin, il y a quelqu'un qui songerait au pain d'Oberwaldorf, ce pain que la comtesse Faustine a représenté dans un tableau. Ou bien encore, interrompit Feldorn, au grand peuplier qui borde l'Elbe en arrivant au manoir von Stein. Ah, qu'elle est jolie et séduisante, prononça Clément en levant son verre. Quelle tête admirable, quels yeux, répondit Feldorn, qui s'extasiait de plus en plus sous l'influence des souvenirs et sous celle du vin du Rhin. Un esprit à rendre fou l'homme le plus sage. Quelque chose de vaporeux et de sentimental qui n'appartient qu'aux anges. Et avec cela, une sécheresse de cœur, une coquetterie. Coquetterie? Je n'ai jamais remarqué qu'elle fût coquette. Elle l'est, toutes les femmes le sont. Vous avez raison. Et obstinée, et capricieuse, oubliant, après des années, un engagement sacré, une promesse formelle. Ah, pour cela, elle ne m'avait rien promis. À vous soit, mais à moi. Comment? La comtesse vous avait promis? La comtesse? Qui vous parle de la comtesse? Et de qui parlez-vous donc? De Charlotte. Voilà une heure que nous nous entretenons à son sujet. Moi, je vous parlais de Faustine. C'est le chagrin qui nous trouble la tête à tous deux. Oh, les femmes, les femmes. Oh, les femmes, les femmes. La conversation continua longtemps de la sorte. Clément avait soin qu'elle fût arrosée par de fréquentes rasades, et Feldorn n'avait rien à y objecter. Le premier possédait sur son compagnon l'avantage de l'habitude et une force supérieure de tempérament. L'ivresse était devenue pour lui une espèce d'état normal, où il retrouvait en partie l'usage de ses facultés, car lorsqu'il était à jeun, il paraissait comme abruti. Quant au sage et sobre Feldorn, il ne se reconnaissait plus. Il était étonné et honteux de lui-même. En vain, pour résister à l'effet puissant du vin du Rhin, cherchait-il à renouer le fil rompu de ses pensées et éclaircir les ténèbres qui obscurcissaient son esprit. Cette obscurité allait toujours en augmentant. Sa langue, considérablement épaisse, articulait à peine. Ses yeux troubles ne distinguaient les objets qu'à travers un nuage, et il demeurait cloué sur sa chaise, auditeur bénévole et peu intelligent des discours où l'écolier de l'université d'Iéna mêlait ses griefs amoureux, ses idées philosophiques et sociales, ses citations de grec et de latin et ses lambeaux d'érudition historique. « Ne me parlez point, » dit-il en réponse à quelques remarques critiques que le bon Feldorn avait murmurées sur ses goûts et sur ses habitudes. « Ne me parlez pas de ce que vous appelez les gens comme il faut, la bonne compagnie. » Tout m'y est odieux, le langage, le ton, les manières. Ce n'est qu'affectation et duplicité. Vous blâmez le monde où je vis. Ce monde ne s'effarouche pas d'un gros mot, d'un geste énergique. C'est la nature. Mais dans vos cercles polis et raffinés, tout est fardé, musqué. Il s'y dit, il s'y fait des choses abominables qu'on a soin de déguiser sous un vernis d'élégance. C'est de là sa fétida aux confitures. Les vieilles gens sont les plus corrompus, et les jeunes femmes, les jeunes filles sont forcées de voir et d'entendre de spirituelles horreurs. Les unes comprennent et s'amusent, les autres comprendront bientôt et s'amuseront pareillement, mais toutes se donnent l'air de ne rien comprendre. Voilà votre beau monde où respire Faustine, par le ciel. J'ai rencontré souvent un vieux comte de votre connaissance, à la face enluminée, aux joues pendantes, au nez rubicon. Oh oh ! Interrompit Feldern. Attendez donc, le vieux comte de Kirchberg ? Lui-même, un fat que je déteste et que chacun écoute comme un oracle. Vrai Dieu, j'ai été tenté 20 fois de le jeter par les fenêtres. Oh oh ! Murmura encore Feldern. Et j'aurais bien fait. Il a une manière de conter les anecdotes les plus tristes. Faustine est souvent la première à en rire. Et vous savez comment elle rit. De quel bon cœur et avec quelle grâce. Tenez, ce doit être cela, ou quelque chose d'approchant. Et Clément s'efforça d'imiter et de reproduire la façon de rire de la comtesse. Feldern le regardait faire avec tout le sérieux imaginable. Non, reprit Waldorf, en revenant brusquement à sa première idée. Ce monde et moi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je veux avoir mes coudées franches pour pouvoir dire librement tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce qui me passe par la tête. Faut-il peser ses mots, s'écouter en parlant, compter ses pas et régler sa démarche et ses gestes, serviteur? Oh, Faustine ne resterait pas 24 heures dans la société qu'elle fréquente, si cela dépendait de moi. Une dernière rasade, baron? Voici, mordieu, le fond de la dernière bouteille. C'est égal, balbutia Feldern en tendant une main mal assurée. Il n'est pas bon de déserter la société et de boire et fumer immodérément. La mauvaise compagnie, le vin, j'entends le mauvais, perdent un homme. Et quand un homme est perdu, à votre santé, baron Waldorf. Et Feldern, clignant des yeux pour donner plus de force à sa conclusion, vida lentement son verre et le posa avec bruit sur la table. Clément ne l'imita point. Il avait laissé tomber sa tête sur sa poitrine. Tout à coup, il se releva et tordant convulsivement ses poings nerveux. « C'est fait de moi si je ne la vois pas !» dit-il d'une voix sourde. « Oh oh !» répondit Feldern. « Et qui donc voulez-vous revoir ?»« Faustine, j'ai beau m'en défendre, ma vie est attachée à cette femme. »« Diable !» observa Feldern. « Et quand vous êtes en sa présence, c'est pour la quereller, ou l'effrayer par des manières d'ivrogne. Faustine n'aime point les ivrognes, et elle a raison, bien raison. Moi, ivrogne, baron Feldern, par le ciel, je devrais... Mais vous êtes mon hôte. Je vous ai dit que j'ai eu recours au vin pour m'étourdir, pour me consoler, car il me dédaignait, et ce Mengen. Avant cela, je ne faisais point d'excès, si ce n'est dans l'occasion et avec des amis... Et maintenant, même s'il le voulait, je n'en ferai jamais. Oh oh ! Répéta encore Feldern. Je suis étonné. Mais alors, rien ne s'oppose à ce que vous reparaissiez chez la comtesse. Quoi ? Qu'entendez-vous par là ? Que je négocierai votre grâce, que je... Oui, c'est le mot, vous servirai de médiateur. Oh ciel ! Serait-ce possible ? S'écria Clément avec véhémence. Faites cela, baron Feldern. Et jamais service plus grand n'aura été payé de plus de reconnaissance. Vous promettez de ne plus boire immodérément, je le jure. D'éviter la mauvaise compagnie. Je passerai ma vie auprès de Faustine. C'est-à-dire autant qu'elle y consentira. Sans doute, je ne veux la mécontenter en rien. Mais de son côté, il faut qu'elle ne me témoigne ni dédain, ni froide indifférence. C'est juste, dit gravement Feldern. « Accordé. Et elle devra m'appeler cher Clément, et non baron Waldorf. »« Baron Waldorf, c'est trop cérémonieux et pas assez amical. »« Cher Clément, c'est peut-être trop amical et pas assez cérémonieux, » objecta Feldern. « Mais puisque je serai désormais l'ami de Faustine, c'est juste, accordé. »« De plus, elle me tendra quelquefois sa main et me permettra de la presser dans la mienne. »« Oh oh !» fit encore Feldern à moitié scandalisé. « Elle ne refuse jamais cette faveur à Mengen. »« C'est juste, accordé. »« Eh bien, voilà nos conventions établies. »« Je ne demande rien que de raisonnable, et vous-même le reconnaissez. »« Faites que Faustine y consente, et s'il m'arrive de lui fournir un seul sujet de plainte, je veux que... »« Au diable, nous n'avons plus de vin, c'est dommage. »« Oui, c'est dommage, » dit Feldern, très satisfait de s'être acquitté si heureusement de sa commission. « Mais nous allons faire venir de la bière et des pipes, comme de braves écoliers de l'université d'Iéna. À propos, vous n'êtes point de l'université d'Iéna. C'est égal. Hola, Jean !» Les deux nouveaux amis achevèrent la journée comme ils l'avaient commencé, et le soir venu, il fallut que Jean reconduise Feldorn. L'ambassadeur discret de Faustine trébuchait à chaque pas et ne pouvait se soutenir. Cependant, dès qu'il se sentit un peu plus solide sur ses jambes, c'est-à-dire dans la soirée de ce même jour, il alla rendre compte de sa mission à Faustine. Mais discrètement, il se garda bien de tout raconter et se contenta de la supplier de recevoir Clément, dont il relata les promesses mais non les conditions. Clément ne manqua pas de profiter de l'indulgence de la comtesse, qui le vit reparaître le lendemain et avec une grâce charmante eut l'air d'avoir tout oublié. Pendant quelque temps, Clément se résigna à ne faire que de très vagues allusions à ses espérances déçues, et Faustine aima à penser que le repentir de ses torts aurait du moins le bon effet de le rendre plus maître de lui-même.